Le 19 octobre 1939, il y a 80 ans, la Caisse nationale de la recherche scientifique et le Centre national de la recherche scientifique appliquée fusionnaient pour donner naissance au CNRS. Quoi de plus normal que pour initier cette année anniversaire, que cette autre institution scientifique française majeure qu'est le Collège de France l'accueille pour une journée de réflexion et d'hommage. Une journée qui fait le pont entre les grands noms qui ont structuré l'histoire du CNRS et ceux qui feront son avenir, avec à la clé une portée politique, puisque les deux institutions entendent adresser un signal à la puissance publique pour que la recherche revienne au premier plan de ses préoccupations. Ans du CNRS au Collège de France, quel avenir pour la recherche française? C'est le programme très politique donc qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et quoi de plus normal que ce soit l'antenne de France Culture qui ait le privilège d'accueillir en amont de cette journée d'échange les deux dirigeants de ces nobles et belles institutions que sont le CNRS et le Collège de France. Bonjour Antoine Petit. Bonjour. Président directeur général du CNRS et bonjour Alain Prochian. Bonjour. Administrateur du Collège de France. Mille merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation et d'être ici pour parler de cette journée passionnante qui va se dérouler samedi donc au Collège de France. D'autres grands noms de ces deux institutions vont ponctuer cette heure d'échange. Serge Arro, prix Nobel de physique, ex-administrateur du Collège de France, Catherine Bréchignac, secrétaire perpétuelle honoraire de l'Académie des sciences et ex-directrice du CNRS, ainsi que Jules Hoffmann, prix Nobel de médecine, et Barbara Cassin, médaille d'or du CNRS. On va les entendre et ils vont ponctuer donc nos échanges tout au long de cette heure que vous pouvez suivre comme d'habitude en direct sur les ondes de France Culture, en différé sur franceculture.fr, en podcast via votre application favorite et comme d'habitude en complément sur notre fil Twitter en vous abonnant au compte @laméthodefc. Et pour commencer, eh bien, nous n'avons évidemment pas pu résister à la tentation de vous faire écouter ce document historique. Il s'agit du discours de Frédéric Joliot-Curie lors de sa prise de fonction comme directeur du CNRS le 19 septembre 1944. Ayant été chargé des fonctions de directeur du Centre national de la recherche scientifique, je voudrais vous dire quelques mots sur cet organisme et nos projets. Ce fut notre regretté maître, Jean Perrin, qui, aidé par quelques grands savants, dont Émile Borel, créa bien avant cette guerre cet important établissement d'État. Jean Perrin sut faire comprendre au pouvoir public que la science joue un rôle capital dans un État moderne qui veut vivre librement. Cette œuvre, parmi bien d'autres dont nous lui sommes redevables, le place au premier rang des grands serviteurs de notre patrie. Maintenant, plus qu'à tout autre moment, les scientifiques doivent associer leur intelligence, leur force créatrice, pour contribuer au relèvement de la France. Le Centre national de la recherche scientifique doit organiser leurs efforts, doit provoquer ceux-ci et les faciliter. Voilà Frédéric Joliot-Curie lors de son discours d'investiture au CNRS, c'était en 1944. Une réaction peut-être Antoine Petit à cette archive? Alors deux points. D'abord, je trouve que Frédéric Joliot est pas tout à fait juste d'oublier Jean Zay, qui a joué un rôle évidemment extrêmement important, qui a été ministre pendant le Front populaire. Et c'est suite à ses travaux que, essentiellement, hein, que bien sûr avec Jean Perrin, mais je trouve que il faut quand même rappeler le rôle extrêmement important qu'a joué Jean Zay. Et ce que je trouve intéressant dans ce que raconte Frédéric Joliot, c'est le fait qu'il mette en avant le redressement de la France. De même que quand le CNRS a été créé, donc 19 octobre 1939, vous l'avez dit, trois semaines après la déclaration de guerre, on pouvait se dire, mais finalement, est-ce que la science est une priorité à ce moment-là? Comme est-ce qu'elle doit être une priorité à l'issue de la guerre? En fait, la réponse est oui, parce qu'on a besoin d'une science de qualité pour, à l'époque, redresser la France. Et je crois qu'aujourd'hui, on a encore besoin d'une recherche de qualité, d'une science de qualité, non pas pour redresser la France, mais pour permettre à la France de continuer à être un pays qui compte sur la scène internationale. Et puis avec cette création en 1939, il y a aussi la volonté de ne pas réitérer l'erreur de la Première Guerre, où tous les scientifiques avaient été envoyés au front et qui avaient créé un gros appel d'air à un moment donné, un trou dans la recherche scientifique française au lendemain de la Première. Absolument, il fallait montrer qu'on avait besoin des scientifiques dans leur cœur de métier et que c'est là qu'ils étaient utiles. Et l'histoire a montré que plusieurs de ces scientifiques ont eu des contributions majeures pendant la guerre. On peut penser à Louis Nel en particulier, qui avait mis au point un dispositif qui a sauvé de nombreuses vies humaines, un dispositif qui permettait de détecter les mines. Et sûrement que les scientifiques étaient beaucoup plus utiles, comme l'ont été par exemple Turing en Angleterre, sur leur métier de base, plutôt que d'aller au front comme un soldat commun, si je peux dire. Alain Prochian, votre réaction à cette archive? Ma réaction, c'est classique. C'est-à-dire que je vois bien qu'il faut comprendre et faire comprendre que la recherche scientifique doit être une priorité nationale. C'est-à-dire que si on abaisse l'effort, si on, surtout si on ne reprend pas un effort réel, je ne sais pas très bien ce qui passera, ni au niveau économique, ni même au niveau culturel dans un pays comme le nôtre. Il y a une autre personne qui a joué un grand rôle dans la recherche scientifique. Moi, personnellement, je ne suis pas très gaulliste. Mais il faut reconnaître que le général de Gaulle, en 58, encore un militaire, a redémarré, en fait, très fortement les investissements dans la recherche scientifique, beaucoup plus que n'importe lequel de ceux qui lui ont succédé au fil des ans. Et puis on entend dans cette archive de Frédéric Joliot aussi la volonté de faire du CNRS en 44 un institut qui rappelle l'engagement scientifique nécessaire au pouvoir public et pas non plus un institut qui dépende des pouvoirs publics. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui, Antoine Petit ? Je crois que ça fait pleinement partie du rôle du CNRS, effectivement, que de rappeler aux décideurs l'importance de la recherche scientifique. Comme l'a dit Alain, le fait que sans recherche scientifique, demain, nous serons un pays qui va petit à petit s'appauvrir. Et que le contexte international est tel qu'aujourd'hui, la compétition est féroce. À un moment, il faudra parler d'investissement. Et si on regarde les dépenses, la part du PIB que la France consacre aux activités de recherche et développement, et là, je parle à la fois de l'investissement public, mais aussi de l'investissement privé, nous sommes le seul grand pays à avoir une dépense qui est stable depuis les 20 dernières années. Alors, et nous sommes à peu près à 2,2% du PIB, alors que nos amis allemands vont atteindre 3%. 3%, c'est l'objectif européen. Hein. C'est l'objectif européen. Il faut comprendre qu'entre 2,2 et 3%, il y a de l'ordre de 45 milliards d'euros chaque année de différence. Et il faut préciser que la part publique dans ces 2,2, elle est de 0,8. Elle est de 0,8. C'est-à-dire que si on a comme objectif 1% du public, 2% du privé, on voit qu'effectivement, on est grosso modo à deux tiers, un peu moins du côté public. Donc il faudrait 0,2 en plus, vous l'avez dit. Et il faudrait probablement quelque chose comme 0,5 ou 0,6 en plus. 0,2, c'est 5 milliards. Pour donner un ordre de grandeur. Peut-être justement un mot sur cette journée, le CNRS au Collège de France, Alain Prochian. Vous dites, CNRS, Collège de France, deux grandes institutions scientifiques françaises avec leurs particularités. Vous dites même activité, même mission, même valeur. Mais cette journée, vous l'avez voulu précisément politique, comme un rappel. Vous le dites, de dire comment, avec des budgets relativement limités, la France peut-elle encore figurer parmi les 5 ou 6 premiers pays dans le domaine de la recherche. Mystère qui cache une interrogation. Oui, d'abord, le collège est assez engagé, ça c'est une évidence aujourd'hui, et il est engagé dans des missions de recherche, d'enseignement et aussi de diffusion des savoirs, c'est-à-dire donner à voir la recherche qui se fait sans concession, sans l'amoindrir, sans vulgarisation excessive, pour qu'une culture scientifique se répande dans le pays. Parce qu'un des graves problèmes, je crois, que nous avons, c'est le manque de culture scientifique. Y compris au niveau des instances les plus élevées sur le plan politique. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de tradition, je dirais, plutôt littéraire ou économique, mais il n'y a pas de grands scientifiques, véritablement, il n'y a pas de culture scientifique à ce niveau-là. La différence avec l'Allemagne aussi, c'est que Mme Merkel, finalement, elle est physicienne. Donc elle sait ce que c'est que la science malgré tout. Et je crois que le collège, de ce point de vue, a un rôle à jouer important, mais ce n'est pas pour parler du collège qu'on est ici, c'est parce que quand j'ai compris que c'était, j'avais oublié, que c'était les 80 ans du CNRS, je me suis dit, ce serait peut-être temps qu'on dise du bien du CNRS. Parce que là où je suis, je vois bien les collègues, qui ne sont quand même pas les plus mauvais, tous, d'une certaine façon, sont passés par le CNRS. Et si vous retirez faites une expérience par la pensée, vous retirez le CNRS du paysage de la recherche scientifique dans les 80 dernières années, je crois qu'il n'y a pas de recherche scientifique en France. C'est-à-dire que nous serions perdus. Et je crois qu'il faut que, de temps en temps, les choses se disent, parce qu'on a dit tellement de choses. Évidemment, tout n'est pas parfait. Rien n'est parfait, sauf dans les pays totalitaires où tout est parfait. Mais dans les démocraties, rien n'est parfait. Mais il reste que... et le CNRS, donc, n'est pas parfait. Mais je trouve qu'on a dit des choses sur le CNRS qui étaient simplement inaudibles pour ceux qui savaient l'engagement de cette maison et le rôle qu'elle joue dans la structuration du paysage de la recherche en France. Antoine Petit, c'est un rôle particulier d'être président, directeur général aujourd'hui, puisque c'est votre statut du CNRS, c'est-à-dire avec à la fois cette volonté initiale, on a envie de dire presque génétique, de cette institution qui est d'aiguillonner les pouvoirs publics pour défendre la recherche française et en même temps, eh bien, d'être partie prenante d'une recherche qui est en France très centralisée, très politique. Le Premier ministre qui est venu parler chez vous le 1er février l'a rappelé, il l'a dit, Édouard Philippe disait, relation très particulière en France entre la science et la politique dans les moments de reconstruction ou dans les grands moments de défis nationaux, scientifiques et politiques, nous sommes dans le même bateau. Vous êtes un peu entre l'arbre et l'écorce, entre le marteau et l'enclume, c'est quoi cette position singulière qui est la vôtre? Alors d'abord, il faut être très modeste. La science et la recherche, elle est faite d'abord par les femmes et les hommes chercheurs. On sait très bien que le management dans le domaine de la science est très particulier. On peut indiquer des directions, mais vous ne forcerez jamais une chercheuse ou un chercheur à faire une recherche qu'il n'a pas envie de faire. Et c'est très bien comme ça. Je pense que cette notion de liberté reste essentielle dans le domaine de la recherche. Mais ce qui est vrai aussi, c'est qu'aujourd'hui, les chercheuses et les chercheurs sont pas les mêmes qu'il y a 20 ou 30 ans. Et pour vous donner des exemples très précis, on a des chercheurs et des chercheuses qui aujourd'hui travaillent sur le grand débat, c'est-à-dire qui aident à analyser l'ensemble des contributions qui ont été faites. On a des chercheuses et des chercheurs qui travaillent sur le phénomène des gilets jaunes, non pas avec l'idée qu'on va donner des solutions au gouvernement pour régler le problème, si on considère que c'est un problème, mais pour essayer de comprendre le rôle des réseaux sociaux, pour essayer de comprendre quels ont été les effets déclencheurs. Et puis à côté de ça, on travaille aussi sur l'intelligence artificielle, on travaille avec le monde industriel, etc. Et je crois qu'aujourd'hui, un grand pays se doit d'avoir, une recherche du meilleur niveau mondial, mais aussi une recherche qui a toute sa place dans la société. Je refuse les relations science-société parce que quand on dit ça, on a l'impression qu'il y a la société d'un côté, la science de l'autre. Je pense que la science fait pleinement partie de la société et qu'aujourd'hui, on a besoin de plus de science pour faire des progrès dans le monde industriel, mais on a aussi de plus de science pour aider les décideurs, on a aussi de plus de science pour permettre à tout un chacun de comprendre finalement et d'être acteur de la société et des mondes nouveaux qu'on va avoir demain. Quand le Premier ministre annonce un plan de pluriannuel de programmation scientifique, est-ce que c'est pas un peu un cadeau empoisonné finalement, Antoine Petit, de se dire que la puissance publique d'un seul coup va contraindre, va en tout cas donner une impulsion générale à la recherche? Comment est-ce que vous le vivez, vous? Alors d'abord, le Premier ministre, il a même annoncé mieux qu'un plan puisqu'il a annoncé une loi. Ce qui est tout à fait exceptionnel. Pour 2021, L'idée, c'est de préparer la loi d'ici fin 2019 pour la faire voter début 2020 aux députés et aux sénateurs et que donc les budgets afférents commenceront, c'est vrai, au 1er janvier 2021. Je crois que pour moi, c'est une opportunité absolument extraordinaire. C'est aussi le signe qu'au plus haut niveau de l'État, on considère que la science et la recherche est une priorité. Et tout à l'heure, Alain Prochian rappelait le rôle qu'avait joué le général de Gaulle. À un moment, on a besoin de décideurs politiques qui disent « oui, c'est une priorité ». Et encore une fois, le retard qu'on évoquait sur le PIB, il faut qu'il y ait une sensibilisation générale des gens. Si la science a besoin de plus d'argent, c'est pas pour son propre plaisir, j'ai envie de dire. C'est parce que si elle veut être compétitive sur la scène internationale, elle a besoin de pouvoir lutter avec des armes analogues à celles de ses concurrents. Et donc, si on regarde la structure de financement de la recherche, et c'est normal, la recherche est avant tout un centre de coûts, il est normal que l'État s'engage. Et donc l'annonce par le Premier ministre me semble un élément extrêmement important. C'est une opportunité. Après, qu'y aura-t-il dans la loi ? Nul ne le sait aujourd'hui. Je pense que c'est aussi à la communauté scientifique de faire des propositions concrètes pour qu'on ait ensemble une loi qui compte dans les années à venir. Alain Prochian, c'est une des critiques qu'on émet volontiers vis-à-vis de la structuration de la recherche en France, de dire qu'elle est trop centralisée, certainement peut-être un peu trop politique. Là, une fois de plus, est-ce que c'est le rôle du politique de déterminer par la loi, par le biais de la loi, ce que doivent être les grandes orientations de ces chercheurs? Je pense que c'est son rôle tout à fait, c'est-à-dire que tout dépend de comment le système va évoluer, mais au CNRS, il y a une très grande liberté de recherche. Il y a évidemment toutes les implications sociétales, comme le disait Antoine Petit, mais il y a aussi tout l'outil de production de connaissances nouvelles. Si on ne produit pas aujourd'hui des connaissances nouvelles dont on ne sait pas ce qu'elles vont donner, on ne sait pas si elles n'auront jamais une application, en soi d'ailleurs c'est une valeur cognitive, comprendre le monde qui nous entoure, et par ailleurs, eh bien, un jour émerge une application, une interaction sociétale, un médicament, et ça sont des choses on ne peut pas le prévoir. Donc cette augmentation qu'on peut espérer, des investissements, ce sont des investissements qui ne sont pas énormes. Il faut quand même voir que les 0,2%, je disais, c'est 5 milliards. Le jour où on a supprimé ou diminué la TVA des cafetiers et des restaurateurs à 5%, on a mis 2,5 milliards dehors. Donc ce ne sont pas des investissements énormes. Mais c'est bien que ce soit pas mis d'un coup, que ce soit programmé sur le temps, que ce soit incrémentiel, et qu'on ait temps de réfléchir à ce qu'on va en faire. Là, on parle de programmation budgétaire. Ma question portait plus, Antoine Petit, sur la programmation scientifique. Est-ce que c'est le rôle des gouvernants et des pouvoirs publics d'indiquer aux chercheurs où chercher ? Je crois que la question se pose pas tout à fait en ces termes-là. Mais décider de financer la santé ou le réchauffement climatique ou l'intelligence artificielle, ce sont des décisions politiques. Après, une fois que la décision politique a été prise, il est important de laisser aux chercheurs la liberté pour, comme l'a expliqué Alain Prochian, avoir les idées novatrices, disruptives, en n'oubliant jamais que la recherche s'inscrit dans le temps long. On a eu un bel exemple cette semaine, je ne sais pas si vous en avez parlé, mais il y a eu l'attribution du prix Turing, qui est l'équivalent un peu du prix Nobel, et donc à trois personnes, Joshua Benjo au Canada, Geoffrey Hinton aussi au Canada, et il y a le Lequin qui est un Français connu. Et qui est un des parrains de la méthode scientifique, figurez-vous. Et il faut être conscient du fait que les algorithmes de deep learning pour lesquels ils ont eu ce prix, ils les ont obtenus il y a 30 ans. Et qu'il y a 30 ans, ça marchait pas bien parce qu'on n'avait pas de machine assez puissante, on n'avait pas d'ensemble de données suffisamment important, mais parce que c'était des gens persévérants, 30 ans après, ça a quand même le succès qu'on connaît. Et donc, faut pas croire que l'intelligence artificielle est née hier ou avant-hier. Donc, cette notion de temps long, elle est essentielle. Et que, je crois que ce qui est important, c'est encore une fois que le politique définisse, un, les grandes masses budgétaires, deux, les grandes orientations, et qu'après, la communauté scientifique définisse les projets de recherche. Vous allez voir que le temps, c'est une question qui revient dans la bouche justement des chercheurs que nous allons commencer à entendre. La méthode scientifique, Nicolas Martin. À 16h15 sur France Culture, nous avons la chance, le plaisir et l'honneur d'avoir à la table deux éminents dirigeants de grandes institutions scientifiques françaises. Nous avons Antoine Petit, président directeur général du CNRS, Alain Prochian, administrateur du Collège de France, puisque samedi se tiendra au Collège de France une journée hommage et une journée de réflexion aussi consacrée au CNRS et à l'avenir de la recherche française. Et donc, comme je vous l'annonçais au début de cette émission, tout au long de cette heure, nous avons donc demandé à quelques-uns des participants à cette journée, parmi les plus grands noms de la recherche française, de nous parler de leur lien au CNRS et de la façon dont ils perçoivent son avenir. Et pour ouvrir le bal, je vous propose d'écouter bien simplement la médaille d'or du CNRS 2018, philologue, philosophe, c'est Barbara Cassin. Le CNRS m'a tout apporté. Il m'a apporté d'abord cette chose inappréciable qui est du temps. Il m'a apporté le temps de travailler, c'est-à-dire que je n'avais pas à rendre des articles et des articles, mais j'avais le temps de faire une recherche de fond. Pour moi, ça a été inappréciable. Il me semble que aujourd'hui, un chercheur a de moins en moins de temps parce que dès qu'il a un peu de temps, il doit non pas chercher, mais faire des dossiers pour obtenir des financements. Personnellement, j'en ai fait un pour obtenir un financement européen. Ça m'a pris entre 6 mois et 1 an de vie. Ça n'a pas été couronné de succès. Et c'est de la perte absolue. Dès qu'on dirige une unité, on ne fait plus que de l'administration. Et ça, c'est très grave. Le deuxième point, c'est que aujourd'hui, on demande à un chercheur, ne serait-ce que pour avoir une chance de réussir dans un dossier européen pour obtenir des financements, on lui demande d'avoir un certain facteur H. Le facteur H, c'est combien d'articles avez-vous publiés dans des revues classées A, en général, elles sont anglophones, et combien de fois ont-ils été cités? Donc c'est un nombre qui détermine votre rang, disons, de mérite, avec tous les guillemets que vous voudrez, qui vous permet ou non de déposer, même simplement, non pas d'accrocher une subvention, mais de déposer un dossier. Donc on a beaucoup moins de temps pour chercher, parce qu'on doit consacrer beaucoup plus de temps à obtenir des financements qui auparavant étaient les financements, disons, dédiés par le CNRS central pour les différentes unités et laboratoires de recherche, répartis ensuite sur les différents chercheurs. Donc ça, c'est une chose inquiétante et désagréable. La troisième chose, à mon avis, très dangereuse, c'est, enfin, comme toujours, c'est le meilleur et le pire. C'est le lien entre, disons, la recherche pure et la recherche appliquée. Il est évident que il est très important que les recherches soient des recherches qui débouchent dans le concret, qui débouchent dans la vraie vie, on va dire. Mais il est aussi très imprévisible de savoir quelles seront les recherches qui, finalement, vont véritablement transformer la vraie vie, et en particulier pour les sciences humaines et sociales. Voilà Barbara Cassin, médaille d'or 2018 du CNRS. Vous voyez le temps, Antoine Petit, c'est la première chose qui surgit quand on demande aux chercheurs. Oui, je crois que Barbara Cassin aborde plusieurs questions pour lesquelles chacune d'entre elles mériterait une émission complète. Ce sont des critiques que vous entendez qui sont parmi les critiques les plus récurrentes. Absolument. Sur l'état de la recherche aujourd'hui en France. Tout à fait, mais je pense que la vraie question, c'est le bon équilibre entre le financement qu'on appelle de base et le financement sur appel à projet. Et c'est vrai qu'en France, je pense que nous n'avons pas aujourd'hui ce bon équilibre. C'est-à-dire que ou bien il faut qu'on ait une agence de la recherche que nous avons, mais il faut la doter correctement. Avoir une agence de la recherche qui est sous-dotée et avec des taux d'acceptation qui sont beaucoup trop faibles, là, vous avez un système général qui n'est pas bon. Après, peut-être une autre action sur la recherche fondamentale, recherche pure, recherche appliquée. On adore en France rajouter des adverbes après recherche. Je pense qu'avant tout, il y a de la bonne recherche et que moi, j'aime bien prendre comme exemple une unité mixte de recherche que le CNRS a depuis maintenant plus de 20 ans avec Thalès, dont est issu Albert Fert, prix Nobel de physique. Et il se trouve que j'ai visité cette unité il n'y a pas très longtemps et qu'il y a une trentaine de chercheurs permanents. Ils en sont à 6 lauréats de l'ERC, European Research Council. Ce qui est l'ANR européenne, grosso modo. Enfin, c'est l'ANR d'excellence européenne. Oui. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas opposer relations avec le monde socio-économique et excellence scientifique. Je pense qu'il y a un temps qui est nécessaire à tout ça, mais il ne faut pas opposer les uns aux autres. Là, ça ne serait pas une bonne idée. À l'improchant. Oui, je comprends bien ce que dit Barbara Cassin. Et de toute façon, le temps est une chose essentielle, la tranquillité pour travailler, la durée surtout plus que le temps, parce que des idées peuvent émerger, qui prennent du temps. Il y a plein d'échecs dans la recherche. Hein. L'échec, c'est quand même se tromper mieux à chaque fois, en gros, hein, comme disait Beckett. Mais il y a une chose sur laquelle je ne serais pas tout à fait d'accord. Vous faites une demande de contrat, mais c'est de la science de faire une demande de contrat. C'est-à-dire que faire une demande de contrat, ça veut dire réfléchir, lire les articles, voir ce qu'on veut faire sur 2, 3, 4, 5 ans, comment on peut y arriver, qu'est-ce qu'on fait si ça marche pas, quelles sont les voies. Et c'est une activité intellectuelle en soi, c'est-à-dire que c'est pas du temps perdu bureaucratique. C'est-à-dire écrire une demande de contrat pour une grande agence de financement, c'est toujours très intéressant, c'est comme d'écrire un article d'une certaine façon. Donc là, je serais pas aussi noir et blanc que ça. Évidemment, quand ça rate, c'est très désagréable, je peux bien comprendre. Et puis aussi, cette différence entre les recherches fondamentales, les recherches appliquées. Souvent, vous savez, les questions sociétales donnent, en fait, des sujets à de la recherche fondamentale. Je crois qu'il faut faire extrêmement attention à pas avoir des pensées automatiques. La chose à laquelle je suis le plus d'accord, c'est que il faut, quand quelqu'un est sur un projet difficile, et qu'on sait que cette personne est bonne parce qu'elle a été évaluée plusieurs fois, etc., il faut lui donner le temps d'aller au bout de sa pensée. C'est ce que disait à ce micro il y a peu de temps d'ailleurs Jean-Pierre Sauvage, autre prix Nobel qui a fait toute sa carrière à Strasbourg et qui disait que justement cette notion du temps ferait que s'il commençait lui ses recherches aujourd'hui, il n'aurait certainement pas eu son prix Nobel pour ses robots moléculaires. Mais ce qui est intéressant peut-être, Antoine Petit, dans ce que dit Barbara Cassin autour de cette opposition qui est quelque chose qu'on entend très souvent entre recherche fondamentale, recherche appliquée, où on entend beaucoup de scientifiques déplorer qu'il faille toujours pouvoir breveter, appliquer, aller dans des processus industriels au détriment de cette recherche fondamentale, c'est quelque chose qui est assez nouveau, à mon avis, dans le paradigme scientifique et de la recherche française, c'est l'apparition de la notion d'innovation. C'est le nom du ministère. Le Premier ministre lui-même, devant les chercheurs au CNRS, dit innovation et recherche, c'est-à-dire qu'il place l'innovation en amont de la recherche. Est-ce que c'est ça, la recherche de demain, Antoine Petit ? C'est l'innovation avant la recherche ? Alors j'ai même presque fait pire au CNRS, puisqu'il y avait une direction générale déléguée à la science, une direction générale déléguée aux ressources, et j'ai créé une direction générale déléguée à l'innovation. Mais je crois qu'il faut être très précis sur les mots. Je ne crois pas que le rôle d'un organisme de recherche comme le CNRS soit de faire de l'innovation. Par contre, nous devons aider à la faire, ce qui est très différent. Et cette innovation, elle peut être technologique, bien sûr, mais elle peut être dans les usages. Elle peut être sociologique. Et donc, c'est d'une certaine façon le fait de définir plus clairement l'impact de la science sur le monde socio-économique. Et donc, aujourd'hui, si on veut des organisations qui fonctionnent bien, si on veut des industries qui soient performantes, on a besoin qu'elles innovent les unes et les autres. et elles vont innover, elles peuvent innover de façon incrémentale, probablement sans avoir recours à la recherche, mais si on veut ce qu'on appelle parfois des innovations de rupture, on a besoin de ce lien avec les meilleures chercheuses et les meilleurs chercheurs. Parce que comme on l'a déjà dit, les chercheuses et les chercheurs, si tout va bien, ils bénéficient de temps pour concevoir de nouveaux produits, de nouveaux algorithmes, avoir de nouvelles idées, et que sans contrainte directe, mais à un moment, certains ont suffisamment avancé pour que ces nouvelles idées puissent avoir un impact sur le monde socio-économique et donc permettre de produire des innovations de rupture. Et donc, d'une certaine façon, mettre en avant ce mot « innovation » est pour moi une façon de mettre en avant le nécessaire lien qu'à un moment, lorsque les choses sont prêtes, il doit y avoir entre les résultats de la recherche et la société. Mais vous voyez bien que cette notion d'innovation, qui est dans le nom complet du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, pour le coup, on parlait de centralisation politique de la recherche, c'est bien, bel et bien, une volonté affichée du président de la République, gouvernementale, d'orienter la recherche vers cette innovation, vers cette recherche appliquée. Et on peut difficilement, quand on se place du côté des chercheurs, faire abstraction du fait qu'effectivement, il y a toujours une promotion aujourd'hui et depuis quelques années à l'application et à l'innovation, Antoine Petit. Mais tout à l'heure, je parlais d'Albert Fert. Je pense que Albert Fert est plutôt fier du fait que ses découvertes de la spintronique, qui était de la physique théorique au moment où il l'a découvert, aient été utilisées à un moment dans la mémoire des ordinateurs. Je pense que Yann LeCun est plutôt fier que les algorithmes d'apprentissage profond qu'il a définis il y a 30 ans soient maintenant utilisés de façon massive. Et je pense que ce qu'il ne faudrait pas faire, c'est dire aux chercheurs ou à la chercheuse, attention, tu as 6 mois ou 3 ans pour trouver un résultat. Ça serait une catastrophe. Mais lui dire que si, au fur et à mesure de la progression de ses résultats, si ces résultats peuvent servir la société, servir le monde industriel, la chercheuse ou le chercheur concerné ne le verra pas comme une contrainte, mais plutôt comme une opportunité. Et pour moi, c'est ça qui est mis en avant derrière le focus qui est fait sur l'innovation. Alain Prochian, sur cette notion d'innovation, vous n'avez pas peur qu'elle finisse par remplacer la notion de recherche pour les chercheurs d'aujourd'hui et de demain ? Tout dépend de l'équilibre qui est créé ou qui est maintenu dans la politique étatique, comme vous dites. Parce que l'innovation, ce n'est pas uniquement la politique étatique. Hein. Il y a aussi des industriels qui doivent innover. Et on aimerait qu'ils innovent plus, d'une certaine façon. Donc tout dépend, on disait tout à l'heure, il faudrait investir dans le réchauffement climatique. Il faut, hein, il y a une urgence quand même là quelque part. Et en même temps, il faut investir dans une recherche purement cognitive qui se donne aucun but. Je crois que la question, c'est l'équilibre entre les deux et de faire très attention à ce que l'un ne mange pas l'autre. En même temps, je crois que inciter les mondes économiques, les industriels à innover plus, me paraît absolument essentiel, parce que les 0,73% ou 0,75% qui devraient être 1% dans la recherche publique, mais il y a quand même aussi de l'autre côté, on devrait monter à 2% dans l'investissement privé. Et je ne les vois pas comme contradictoires. Si vous allez vous promener à Boston, par exemple, vous voyez des immeubles entiers qui montent comme des champignons à Cambridge en particulier, autour du MIT, qui sont des institutions privées, de recherche privée. Mais ils baignent, si vous voulez, à côté d'une connaissance, d'un savoir avec Harvard, avec MIT, etc., qui font que ça nourrit. Ils ont des post-docs, ils ont de la connaissance. Je ne crois pas que l'un va contre l'autre. Je pense que l'un renforce l'autre. Mais justement, honnêtement, je pense que l'un renforce l'autre. Est-ce que ce n'est pas le rôle du CNRS, Antoine Petit, de contrebalancer, c'est-à-dire de mettre l'accent sur la recherche dite fondamentale, puisque l'innovation, l'application est plutôt, comme vient de le dire Alain Prochian, ressorti du secteur privé, en quelque sorte. Je comprends bien que vous aimeriez opposer l'un à l'autre. Ah non, moi je veux pas du tout, parce que, évidemment pas, mais je fais l'écho de ce que disent beaucoup de chercheurs et des chercheurs qu'on reçoit autour de cette table. C'est souvent le cas. On entend beaucoup émerger cette critique, vous n'êtes pas sans le savoir. Bien sûr, je sais. Je crois encore une fois que les exemples que j'ai déjà cités montrent clairement qu'opposer les uns aux autres, c'est contre-productif. Comme l'a dit Alain Prochian, j'allais un peu plus loin, il y a quand même parfois une certaine schizophrénie. Les choses qu'on met en avant en France, c'est on dit Stanford, on dit le MIT, on dit Israël, on dit la Chine, mais il faut aller voir là-bas. Et là-bas, le lien, effectivement, comme ça a été dit, entre les meilleurs laboratoires de recherche fondamentale et la création de start-up ou les centres de recherche privés sont beaucoup plus forts que ce qui existe en France. Et donc, ça prouve bien que, comme l'a parfaitement dit Alain, une recherche fondamentale de haut niveau est absolument nécessaire. Et si on a des bonnes relations avec le milieu industriel, ils savent très bien que c'est ça qu'ils viennent chercher chez nous. C'est les innovations, non pas de demain, mais peut-être d'après-demain ou d'après-après-demain. Et donc, je pense qu'il ne faut vraiment pas opposer l'un l'autre, mais au contraire, faire en sorte qu'on arrive à construire avec les universités, qu'il faut bien sûr pas oublier, des écosystèmes dans lesquels on mettra les meilleurs laboratoires de recherche fondamentale, mais aussi des laboratoires de recherche privés et aussi des start-up. Et c'est tout ça ensemble. Intégrer. De façon intégrée qu'il est nécessaire de mettre en avant. J'entends bien, loin de moi, l'idée de poser l'un à l'autre, évidemment. Ma question que je vais reformuler, c'est justement, est-ce que le rôle du CNRS n'est-il pas aujourd'hui d'encourager, de favoriser un peu ces secteurs de recherche fondamentale qui peuvent se sentir fragilisés face à une ère du temps qui privilégie l'innovation et la recherche appliquée, la recherche de brevets, la possibilité de breveter, etc. Voilà ma question. Je suis d'accord avec vous. Si quand j'ai pris mes fonctions au CNRS il y a maintenant 15 mois, donc j'ai déposé un dossier avec des priorités. Et la première priorité, vous pouvez la regarder, c'était de soutenir une recherche fondamentale au meilleur niveau mondial. En expliquant que pour moi, derrière fondamental, il y a fondement. Et que c'est parce qu'on va avoir une recherche fondamentale du meilleur niveau mondial qu'on va être capable de faire tout le reste. Mais si demain, vous n'avez pas une recherche fondamentale au meilleur niveau mondial, votre recherche appliquée, elle n'aura pas d'effet, elle ne sera pas intéressante, elle n'aboutira pas sur des innovations de rupture. Donc oui, vous avez raison, cette recherche fondamentale, c'est le socle absolu sur lequel tout le reste va se construire. Et j'ai la faiblesse de penser qu'il continue à y avoir au CNRS une part extrêmement importante de recherche fondamentale au meilleur niveau mondial. On parlait de l'ERC tout à l'heure. Dire qui, à mon avis, n'est pas assez popularisé en France. Le CNRS vient de dépasser son 500e lauréat de l'ERC. Et là, je ne parle que des chercheurs et des chercheuses CNRS, ce qui est absolument exceptionnel comme résultat et ce qui montre bien que le CNRS continue de faire de la recherche fondamentale une de ses toutes premières priorités. On va écouter un deuxième intervenant dans cette émission consacrée aux 80 ans du CNRS qui va le fêter en grande pompe au Collège de France samedi. Ce deuxième intervenant est médaille d'or du CNRS en 2011, prix Nobel de physiologie et de médecine la même année pour ses travaux sur l'immunité innée. Il s'agit de Jules Hoffmann. Le CNRS à l'époque m'a accueilli de façon très ouverte et le CNRS avait un avantage immense à l'époque et dans une large mesure ça a été maintenu, c'est-à-dire que il visait en tout premier lieu à augmenter les connaissances humaines dans tous les domaines. Il n'y avait pas de thème privilégié dans lequel il fallait qu'on s'oriente. Alors moi, je suis parti de la zoologie, qui était à l'époque peut-être pas un thème extrêmement porteur. Je pense que l'avènement de la biologie moléculaire qui a totalement changé les sciences du vivant, cet avènement n'aurait pas pu se faire correctement en France si la recherche avait été purement universitaire. Parce que l'université n'était pas préparée à l'époque pour ce genre de changement. Elle est beaucoup plus maintenant parce que ça a beaucoup évolué, mais à l'époque, il n'y avait que le CNRS qui vraiment s'engageait dans des recherches risquées et qui permettait le développement de nouvelles approches technologiques et conceptuelles. Donc, je suis extrêmement reconnaissant au CNRS. Et sans le CNRS, je ne pense pas que ça aurait été possible. Mais je dirais que ce à quoi il faut faire attention, c'est de ne pas trop orienter la recherche. Parce qu'à mon avis, les questions nouvelles et importantes, enfin nouvelles surtout, doivent être posées par les chercheurs. Je suis réservé sur les appels d'offres avec des axes définis par qui, je ne sais pas, souvent dans les cabinets ministériels, voilà, où la France doit se mettre, etc. Comme beaucoup de mes collègues en sciences en France et à l'étranger, nous pensons qu'il faut laisser l'initiative du thème de recherche aux chercheurs. Alors, il y a un autre point aussi que je voudrais souligner. J'ai aussi souligné l'autre jour lors de ce grand débat avec le président. Aujourd'hui, les jeunes qui rentrent au CNRS, tout comme à l'université aussi, je dois dire, sont recrutés à des niveaux de salaire qui sont honteux. Donc, vous voyez, vous rentrez vers 30 ans ou un peu plus. Maintenant, 35 ans, vous rentrez avec, après 10 ans d'études, des post-docs, etc., un salaire de base qui est de 1,5 fois le SMIC. Donc ça, c'est très dur. Même beaucoup de gens vont jusqu'à dire que c'est honteux la façon dont nous traitons, nous, de façon générale, nous traitons des jeunes qui ont fait de longues études et qui ont un potentiel considérable pour le pays. Je crois qu'on pourrait intituler ces petites interviews de grands chercheurs qui aiment Mirchat Simien, Antoine Petit, ce qui a un compliment et ensuite une petite critique parfois un peu verte. Là, il y a deux choses intéressantes. Votre réaction à ce que vient de dire Jules Hoffmann. Le premier point, c'est que moi, je suis toujours frappé de la modestie de ces grandes chercheuses et grands chercheurs. On a l'impression que, bah oui, ils ont fait un truc et que c'était formidable, mais qu'on savait pas que ça allait être formidable. Je crois que c'est pas tout à fait le cas. C'est-à-dire que les gens qu'on recrute, je parle même pas du Collège de France, mais les gens qu'on recrute au CNRS sont quand même des gens qui ont fait leurs preuves. Et donc, c'est pas tout à fait la même chose de dire à quelqu'un qui a déjà été sélectionné par un tas de processus, un tas de publications. Oui, tu dois garder une certaine liberté, mais il faut que les gens comprennent bien que cette liberté, elle est nécessaire, et je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Mais il faut rappeler que c'est pas tout le monde. Tout le monde n'est pas Jules Hoffmann, tout le monde n'est pas Barbara Cassin, et tout le monde n'est pas Serge Haroche qu'on va écouter tout à l'heure. Je crois que ça c'est vraiment un point important, et que moi, je considère que le rôle essentiel du CNRS, c'est de recruter les tout meilleurs à travers le monde. Et on continue à être très, très attractif au niveau international. On recrute chaque année, on en parlera tout à l'heure. sur la question des salaires, je pense que Jules Hoffmann a tout à fait raison. Il faut être très précis. C'est qu'aujourd'hui, on rentre au CNRS à plus de 30 ans. Après, non seulement une thèse, mais 1, 2, 3, 4 post-docs selon les disciplines. Et que, avec toute cette ancienneté, vous allez débuter à moins de 3000 euros bruts par mois. Ouais, 2000 euros bruts même, hein, si on n'est pas enseignant-chercheur, si on est juste chercheur. Je vous fais confiance, mais. Si on est très précis, au premier échelon, c'est 2200 euros, mais vous n'êtes pas recruté au premier échelon parce que vous avez quand même malgré tout une certaine ancienneté. Donc, dans l'ensemble, vous êtes recruté à un peu moins de 3000 euros bruts. Alors, évidemment, c'est plus que le SMIC, ça c'est incontestable, mais il faut être conscient du fait que par rapport au niveau d'études, c'est très faible, et on se retrouve aussi devant un phénomène qui est relativement nouveau, c'est la concurrence internationale. C'est-à-dire que si vous avez 3000 euros à Grenoble, ou 6000 ou 9000 à Lausanne ou à Zurich, vous allez y réfléchir à deux fois, surtout si en plus vous avez un package, et ça je crois que c'est vraiment un élément important, c'est nous recrutons des chercheuses et des chercheurs du meilleur niveau international, il faut qu'on soit capable de leur donner, justement on vient de les recruter, ils sont tout jeunes, ils sont passés par des procédures extrêmement sélectives, il faudrait qu'on soit capable de leur donner les moyens de faire leurs recherches, quitte à ce qu'après, au bout d'un an, deux ans, trois ans, ils ont affiné leur projet et ils répondent à des appels d'offres, ça je pense qu'on pourrait le comprendre. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui on a un système qui est un petit peu au bout de son modèle. Un impression, votre réaction. Oui, pour moi, tout ce que j'ai entendu, soit de Jules Hoffmann, soit de Antoine Petit, c'est du miel. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, ce n'est pas du tout contradictoire. Je pense que ce que dit Jules Hoffmann, ça tombe sous le sens. Le CNRS donne la possibilité, ou a donné jusqu'à maintenant la possibilité, de mener des recherches extraordinairement fondamentales, et on peut souhaiter que ça va continuer. Sur le plan des financements, il y a quand même une Agence nationale de la recherche qui a été mise en place, il ne faut pas l'oublier non plus. Dans lequel on disait, si c'est comme la DFG allemande, ce serait 33% ciblés et puis 66% libres. Seulement la DFG, c'est 2 milliards d'euros par an. Hein. Nous, on a commencé ici, il y avait environ 1 milliard, je crois, sous Mme Pécresse. Et puis, il faut bien le dire, en 2012, c'est descendu à 530 millions. Aujourd'hui, on est peut-être à 600, 700 millions, je ne sais pas très bien où on est. Mais dans ce jeu-là. Ça veut dire que ça ne va pas. C'est-à-dire que la question, c'est la question du financement de ces agences. Et avec un taux de recrutement qui est très très bas, on avait consacré des missions complètes à l'ANR. Oui, mais dans lesquelles il y a un pourcentage qui est réglé pour la recherche totalement fondamentale. Et ça, je crois qu'il faut quand même... Ou bien alors, on annule l'ANR et puis on repasse tout dans les organismes. Mais là, ça ne fonctionne pas. Et pour l'autre chose, sur évidemment, l'embauche... On dit toujours le coût du travail est trop fort en France. Oui, dans les bas déciles, mais dans les hauts déciles, il est trop faible. C'est vrai pour les chercheurs, c'est vrai pour les enseignants. C'est-à-dire qu'il y a un marché international et nous ne sommes plus compétitifs sur ce marché international. Et on recrute les chercheurs trop tard. Je crois que on devrait recruter les gens beaucoup plus tôt. Vous savez, avoir 3000 euros bruts à 25 ans ou à 26 ans, c'est acceptable. Avoir 3000 euros bruts à 30 ans, 35 ans, bien souvent en biologie, c'est assez tard en fait. Moment où vous fondez une famille, enfin, c'est pas jouable. Et le coût du package, quand on est recruté tard, ça veut dire qu'on est recruté à la tête d'une équipe, en fait. Et à ce moment-là, il faut mettre les moyens avec. Et c'est pas la culture française. Et je pense que c'est regrettable. Donc, tout ce qui a été dit là, moi, j'ai rien à ajouter et j'ai rien à retirer. Antoine Petit, vous aviez fait grand bruit il y a quelques temps en évoquant notre incapacité à attirer des stars, notamment via des primes exceptionnelles. Je vous cite, il y a les enseignants-chercheurs et chercheurs normaux, soit l'immense majorité, et puis il y a les stars dans notre pays. On ne s'est pas donné les moyens pour attirer et garder les stars parce que ça s'attaque à deux tabous. Est-ce qu'on paiera différemment les gens selon les disciplines ou selon leur niveau d'excellence? Vous maintenez ça? Ah, je maintiens tout à fait. Et encore une fois, il faut qu'on arrête d'être un peu naïf. C'est-à-dire que vous pouvez... Je vais prendre une analogie sportive. J'aime beaucoup les analogies sportives, je suis désolé. Vous pouvez dire, on va gagner la Champions League en payant les gens au SMIG. Mais ça ne marchera pas. Si vous les payez très cher, ça ne marche pas non plus toujours en France, mais c'est un autre sujet. Et je crois qu'aujourd'hui, on est dans un phénomène de concurrence internationale et qu'on peut trouver ça bien ou pas bien. Mais encore une fois, si vous êtes jeune chercheur, comme le disait Alain, ou jeune chercheuse, vous voulez fonder une famille et on vous offre 3 000 euros à Paris, et si vous avez 2, 3, 4, 5 fois plus ailleurs, avec en plus les moyens de faire votre recherche, ça pose un problème. Et donc, dans les universités à travers le monde, ben non, je suis désolé, vous n'êtes pas payé de la même façon selon vos disciplines, parce qu'on tient compte du marché. Et à l'intérieur d'une discipline, si vous êtes... Alors, j'avais utilisé le mot « star », et c'était pour faire bouger les mentalités. On peut utiliser une notion peut-être plus noble de « phare », mais c'est le principe pareil. Est le même. Mais le principe est le même. On sait très bien qu'en recherche, il y a des gens qui sont exceptionnels. Et là, vous nous faites écouter que des gens exceptionnels. Oui, mais qui ont par ailleurs fait leur carrière en France à ces niveaux de rémunération-là. Oui, mais et on oppose pas, les gens... Mais les pas gens, à la même époque. Les, certes, pas à la même époque, mais les gens critiquent en disant rajouter de l'argent pour faire venir des prix Nobel sur leur tour au lieu justement d'investir pour les jeunes chercheurs, pour mieux payer les jeunes chercheurs ou pour, au contraire, financer les laboratoires et la recherche. Il y a quand même des priorités. Mais ça, vous avez tout à fait raison. Et la question n'est pas de faire venir des prix Nobel qui auront dépassé un certain âge en France. La question, c'est comment on fait pour garder en France nos jeunes talents et comment on fait aussi pour attirer des jeunes talents en France. Et aujourd'hui, on a besoin d'avoir des moyens qui soient incitatifs et attractifs si on veut faire les deux. Et là, ce dont je parle, c'est pas de rémunérer les vieilles et vieux chercheurs qui ont déjà fait leurs preuves, c'est comment on fait pour que dans 20 ans ou dans 30 ans, on ait encore des Jules Hoffmann ou des Alain Prochian ou des Barbara Cassin. C'est ça la question. Et aujourd'hui, si vous êtes jeune chercheuse ou jeune chercheur, je pense que vous vous posez la question de savoir où vous allez faire votre carrière. Mais c'est pas la même chose de dire que on peut avoir une politique salariale incitative pour les jeunes chercheurs que de dire qu'on va débloquer une enveloppe budgétaire pour attirer des stars. Mais attendez, même parmi les jeunes, là, à 30 ans, il y a déjà un certain nombre de gens dont vous savez que ça va être de futurs stars. D'accord? Et c'est ceux-là qu'il faut garder et attirer. Et il faut pas aujourd'hui, on n'a pas les moyens. Le CNRS n'a pas les moyens de les garder aujourd'hui. Et aujourd'hui, le système français fait que tout président du CNRS que je suis, si j'ai une star potentielle, je ne peux pas lui donner des moyens substantiels. Et c'est surtout, ça fait encore une fois la grande différence avec à peu près tous les autres pays du monde. Et encore une fois, on a le droit de dire c'est très bien, c'est le système français. Mais à ce moment-là, il ne faudra pas dire qu'on veut gagner la compétition internationale. Un approchant. Oui, il faut voir qu'en ce moment, en Europe simplement, il y a une division du travail qui s'installe entre les pays qui investissent énormément dans la recherche, en particulier les pays du Nord, et puis l'Allemagne, et des pays qui investissent moins. Et il y a Erasmus, les jeunes se promènent, tout le monde bouge, et les gens sont capables de voir. C'est-à-dire que la situation est différente. Il y a beaucoup moins de moines soldats que quand moi j'avais 18 ou 20 ans. C'est aussi d'autres mentalités. Et que c'est quelque chose dont il faut tenir compte si on veut garder un potentiel de recherche important dans ce pays. On ne peut pas se voiler la face éternellement. Alors, quels sont les moyens? J'en sais rien. C'est-à-dire que ça, c'est une discussion à avoir avec le gouvernement. Mais c'est clair que nous ne sommes pas compétitifs. Au niveau des moi, au collège de France, quand on veut faire venir un professeur, souvent, c'est pas tellement le salaire d'ailleurs qui les dérange trop, parce que quand on a atteint un certain niveau, il y a toujours moyen d'avoir un salaire plus important par toutes sortes de choses. Mais c'est le package, comme disait Antoine Petit, c'est-à-dire qu'est-ce que vous mettrez, combien de postes de post-doc, combien de postes d'étudiants, quel équipement je peux acheter, et devant un Max Planck, devant un institut Max Planck, on est complètement démuni. Alors ils vont aller en Allemagne. Et ça, même le Collège de France, si vous voulez. J'ai plaidé l'autre jour auprès du ministère en disant il nous faut de l'argent pour des packages. Et ça, c'est une notion qui n'est pas aujourd'hui entrée dans la tête des gens qui décident pour la recherche en France. Autre intervenant, votre prédécesseur Alain Prochian, ex-administrateur du Collège de France, médaillé d'or du CNRS 2009, prix Nobel de physique 2012 pour ses travaux sur la manipulation des systèmes quantiques individuels, Serge Haroche. Dans le système français, le CNRS a joué un rôle important dans la mesure où il a permis de permettre aux différentes universités de travailler dans de bonnes conditions. L'existence d'une unité mixte de recherche CNRS-université a joué historiquement un rôle positif pour la qualité de la recherche française. Maintenant, il faut effectivement que ces conditions soient améliorées. Il faut que le CNRS dispose de davantage de moyens pour pouvoir promouvoir une politique scientifique et pas simplement payer des salaires et demander aux chercheurs de trouver leurs moyens de faire de la recherche à l'extérieur. Je crois que le CNRS a perdu beaucoup de sa possibilité d'initier des stratégies de recherche et également de laisser une liberté aux chercheurs de trouver eux-mêmes les sujets qu'ils veulent développer, qui est, je pense, la condition essentielle pour une recherche fructueuse, en particulier une recherche fondamentale libre et fructueuse. À quoi on peut attribuer justement cette perte de marge de manœuvre ? Au fait que le budget du CNRS a été restreint et que l'augmentation de la masse salariale au cours des dernières décennies a été importante. C'est une augmentation qui est due à une simple inertie, au fait que les salaires des chercheurs, lorsque leur ancienneté augmente, les salaires augmentent automatiquement, alors que les salaires occupaient, je pense, simplement 60-65% de la masse salariale du budget du CNRS il y a 20 ou 30 ans. Maintenant, c'est monté à plus de 80%. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais c'est l'ordre de grandeur. Alors qu'une bonne institution qui a une des capacités d'initier vraiment une recherche libre et fructueuse, on a des exemples à l'étranger où des structures analogues ont un budget qui est équilibré 50% sur les salaires, 50% sur l'argent qui permet de piloter la recherche. Et ce n'est plus du tout le cas au niveau du CNRS et ce n'est pas non plus le cas au niveau d'autres institutions de recherche en France comme le CEA, qui est par certains égards une situation pire que celle du CNRS actuellement. Donc je pense effectivement qu'il faut que l'État prenne conscience de ça et que la structure du financement de la recherche dans les grandes institutions françaises soit modifiée à l'avenir. Voilà, Serge Haroche, c'est intéressant parce que ça rentre un peu en contradiction avec ce qu'on vient de se dire. Enfin, si vous me regardez avec des drôles d'œil, Antoine Petit. La question de la part salariale dans le budget du CNRS. Moi, j'avais pas l'impression que ça entre en contradiction. Au contraire, je pense que Serge Haroche parle la vérité, c'est-à-dire que il a raison. Aujourd'hui, la masse salariale du CNRS sur sa subvention pour charges de service public, on est à 83-84%. Alors qu'il y a quelques années, on était beaucoup moins, on était de l'ordre de 65%. Et ça veut dire que la marge de manœuvre qu'on s'est laissée, elle a diminué. Puisque avant, on avait 35 à 40% pour aider les chercheurs qui étaient en place à définir de nouvelles actions de recherche, leur donner les fameux packages qu'on évoquait tout à l'heure. Et aujourd'hui, il reste 15%. Une fois que vous avez payé les fluides et la logistique, il reste moins d'argent. Et donc, c'est une vraie question qui se pose. C'est que aujourd'hui, on a laissé cette part de masse salariale augmenter. Alors, c'est une fraction, hein, donc comme toujours, si on veut diminuer la valeur de la fraction, il suffit d'augmenter le dénominateur et la part de la masse salariale va diminuer. Mais c'est une vraie question qui se pose. Et je pense que, comme l'a dit Serge Haroche, il n'y a pas d'institution comparable à travers le monde dans laquelle la masse salariale a une telle importance. Donc, ou bien on diminue la masse salariale, ou on augmente le budget du CNRS. Peut-être on fait les deux à la fois, parce que je pense que c'est la vérité probablement entre les deux. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation qui est assez paradoxale. On continue à pouvoir recruter des chercheuses et des chercheurs qui sont au meilleur niveau international, sans avoir les moyens de leur permettre de finalement s'accomplir et de pouvoir mettre en avant leur qualité scientifique. C'est un système qui est un peu absurde, il faut le reconnaître. Et comment on en sort de ce système, Antoine Petit ? On en sort, je crois, par le fait qu'il y a une prise de conscience. Une prise de conscience que c'est dramatique pour notre pays. Et si c'est dramatique pour notre pays, excusez-moi de me répéter, c'est pas juste pour faire plaisir aux chercheuses, aux chercheurs, c'est parce qu'aujourd'hui, si on veut un pays dynamique, on doit avoir une recherche dynamique. Et donc, investir dans la recherche, c'est investir dans notre pays, c'est investir pour nos enfants et nos petits-enfants, c'est pas investir pour faire juste plaisir aux chercheurs et aux chercheuses qui sont en poste, c'est ça qui me semble vraiment le point important. Et un pays peut faire le choix de ne pas investir pour lui-même, de mon point de vue, ça serait un peu suicidaire, mais je pense que c'est comme ça que la question se pose aujourd'hui. Nous n'arriverons pas à continuer à être un pays performant et attractif si nous maintenons notre effort à 2,2% du PIB, encore une fois, parce que nos voisins, ils sont à 3% pour l'Allemagne et on pourrait multiplier les exemples. Et donc, c'est ça la première chose. La première chose, c'est un moment, il faudra mettre plus d'argent dans la machine. Et après, il faut aussi, parce que comme l'a dit Alain Prochian au début, le CNRS n'est pas exempt de reproches et de critiques. Il faut aussi qu'on soit plus dynamique, plus agile, plus ouvert à l'international, plus ouvert à la pluridisciplinarité, plus ouvert au monde socio-économique. Mais on a besoin d'un peu d'essence dans le moteur si on veut aller plus vite. Je crois que tout le monde le comprendra. Impression. Si on ne met pas plus d'argent pour faire tourner les laboratoires, pour les faire fonctionner, pour investir, on finira par avoir des chercheurs qui ne peuvent pas travailler. C'est-à-dire qu'on va avoir des gens qui sont là payés à ne rien faire. Et c'est ce qui était dramatique quand on a vu la baisse des fonds ANR. Les ANR étaient programmés pour aller à 1,5 milliard d'euros, voire 2 milliards d'euros. Quand elle est passée à 500 millions, il y a plein de gens qui sont payés, qui sont au CNRS, qui sont à l'INSERM, qui sont dans toutes les EPSC, qui sont des universitaires, et qui tout d'un coup se trouvaient sans les moyens de faire tourner leur laboratoire. Donc, bien entendu qu'il faut avoir des gens qui sont payés, et même bien payés, être attractifs. Mais en même temps, il faut avoir le courage de dire qu'il faut aussi mettre de l'argent sur le fonctionnement, sur l'équipement, à travers les packages ou à travers des fonds stables sur plusieurs années, voire plusieurs 5, 6, 7, 8, 10 ans. Ça, c'est une décision qui est vraiment une décision d'investir. Alors moi, j'ai entendu, il y a un certain temps, quelqu'un très haut placé me dire c'est quand j'aurai rétabli la balance des paiements que j'investirai dans la recherche et l'innovation. Et ce qu'il fallait lui dire, c'est d'ailleurs ce que je crois lui avoir dit, c'est en investissant dans la recherche et l'innovation que vous rétablirez la balance des paiements. Et ce n'est pas dans l'autre sens, voilà. Est-ce que du coup, pour résoudre cette sorte de quadrature du cercle, Antoine Petit, ça veut dire que vous êtes contraint à des petits arrangements, à recruter notamment des jeunes chercheurs en tant qu'ingénieur de recherche plutôt qu'en tant que chercheur à poste plein? C'est ce type de choses-là qu'il faut faire pour réussir à composer avec ces problématiques budgétaires? Alors, sur l'exemple que vous citez, précisément non, parce qu'un ingénieur de recherche, ça coûte pas moins cher qu'un chercheur débutant. Donc non, j'ai pas plus d'argent, malheureusement, pour recruter plein d'ingénieurs de recherche. C'est néanmoins pas le même statut. C'est pas le même statut, mais ça dépend beaucoup des secteurs. Il y a quelques secteurs où effectivement, il y a quelques années, on recrutait des ingénieurs de recherche qui avaient un statut de chercheur. Mais très, très honnêtement, c'est totalement anecdotique comme sujet aujourd'hui. Hein, et ce qui est important, on n'en a pas parlé, mais c'est au CNRS, c'est une population qui joue un rôle clé. C'est tous les services d'appui à la recherche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a besoin dans nos laboratoires de techniciens, d'ingénieurs, en partie tous les gens qui font de l'instrumentation, que ce soit en biologie, que ce soit en physique. S'ils n'ont pas ce personnel d'accompagnement, eh bien, ils ne pourront pas être performants. Et c'est tout ça qu'on met derrière le mot « package », qui peut sembler un peu bizarre. C'est qu'on recrute encore une fois des chercheuses et des chercheurs au meilleur niveau. Comment on fait pour leur donner les moyens d'être performants? Et je voudrais insister sur le fait que on peut parler de Serge Haroche, de Barbara Cassin, de Jules Hoffmann. C'est des gens respectables, mais qui sont à la deuxième partie de leur carrière, pour dire le moins. Il faut être conscient que les choses ont vraiment changé. C'est-à-dire que à mon époque, au moins, c'était peut-être, je sais pas si elle était bénie ou pas, je suis pas sûr, mais on était recruté juste après la thèse, voire même avant la fin de la thèse. Et donc, on n'avait pas cette dimension internationale, on l'avait moins en tout cas qu'aujourd'hui. Il y avait 3, 4, 5, 6, parfois 7 post-docs avant de réussir à rentrer aujourd'hui, au CNRS. Oui. Aujourd'hui. Alors, aujourd'hui. Ça dépend beaucoup des disciplines, hein, mais aujourd'hui. Mais ça veut aussi dire que c'est des gens qui voyagent. C'est des gens qui comparent et qui, encore une fois, ils ne vont pas aller au plus offrant, parce que le chercheur, il cherche avant tout un environnement scientifique de qualité, mais il cherche juste à pouvoir faire son métier dans de bonnes conditions. Et encore une fois, si on veut continuer à garder les jeunes futurs stars, on a besoin de leur offrir des conditions de travail qui soient performantes. Et si on arrive à garder ces jeunes futurs stars et à attirer, c'est-à-dire attractif au niveau international, ce sera bénéfique à l'ensemble de notre pays dans les années à venir. Vous pensez aujourd'hui, Antoine Petit, que le CNRS a les moyens justement de faire émerger cette future génération de Serge Haroche, de Barbara Cassin, de Jules Hoffmann dans 30, 40 ans, 50 ans, ou comme on l'a aussi beaucoup entendu, il y a le risque, et l'un de vos prédécesseurs le disait, Alain Fuchs, qui disait on risque de sauter une génération, de perdre, d'avoir un gap générationnel parce qu'on n'a plus les moyens justement de conserver et de former ses carrières en entier. Alors, il faut être conscient que si on perd une génération, on va en perdre plusieurs. Parce que les jeunes chercheurs, ils sont formés par la génération d'avant. Et donc, si vous avez un trou générationnel, c'est un drame. Il suffit de voir l'exemple de la Chine pour ça. Et donc, si on perd la génération aujourd'hui, on est perdu pour beaucoup plus qu'une génération. Et ça, c'est quelque chose dont il faut être conscient. On continue à avoir un système éducatif qui est de grande qualité. Et heureusement, encore une fois, on a quelques signaux faibles aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on est probablement un peu virulent sur le fait que, oui, il y a danger s'il n'y a pas une prise de conscience générale qu'il faut investir dans la recherche parce qu'il faut investir dans l'avenir de notre pays. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que la France a les moyens de continuer de se maintenir à ce niveau-là seule ? Alors, d'abord, il y a la dimension européenne qui est extrêmement importante. Et puis, comme l'a rappelé Alain Prochian, on n'est pas en train de parler de centaines de milliards. C'est-à-dire, les 0,2% ou les 0,25%, et là, on ne parle que de la partie publique, n'oublions pas la partie privée qui est également en retard. Ça représente les sommes qu'a évoquées Alain tout à l'heure. Donc, on n'est pas dans des choses qui sont impossibles. C'est juste des choix de société. Et c'est à nous, j'ai envie de dire, de décider quelle est cette loi. Et c'est pour ça que moi, je mets des espoirs dans la loi qu'on évoquait tout à l'heure. Je pense que le signe que cette loi puisse exister est un signe fort. Il appartient maintenant à la communauté scientifique de convaincre qu'il faut investir. J'espère qu'on aura contribué grâce à cette émission. C'est votre rôle, justement, de réussir à décrocher l'attention des pouvoirs publics, de leur signifier que ce petit investissement-là, face à un gouvernement qui promeut beaucoup la Startup Nation, l'innovation, justement, vous pensez avoir voix au chapitre, Antoine Petit? Je pense qu'il faut convaincre non seulement les pouvoirs publics, mais la société en général. C'était aujourd'hui... On parle de réchauffement climatique, on parle d'énergie renouvelable, on parle d'intelligence artificielle, on parle de sujets comme la radicalisation. Ce sont des sujets sur lesquels on a besoin de la science, et c'est pour ça qu'il faut investir. Et donc moi, ce que je veux convaincre, c'est pas seulement les décideurs, mais c'est tout le monde, parce qu'on sait aussi bien que les décideurs, parfois, ils prennent aussi leurs décisions sur le poids de ce que pense l'ensemble des gens. Et donc, c'est important que tout le monde comprenne bien qu'il faut investir dans la recherche aujourd'hui et pas seulement les décideurs. Alain Prochian, pour conclure. Alors, en 2002, si vous voulez, à Lisbonne, la France, comme l'Allemagne, investissait 2,2% du PIB en recherche et développement, avec un projet d'aller à 3%. Les Allemands sont à 3%, les Français sont restés à 2,2%. Nous avons, en 20 ans, décroché par rapport à l'Allemagne. Et c'est il faut raccrocher, et une loi cadre est faite pour programmer ce rattrapage. Sinon, elle n'aurait pas de sens. Et c'est notre dernière chance de rester dans la course. Nous avons les moyens, nous avons les gens, nous avons les formateurs, nous avons les laboratoires, nous avons les connaissances. Si on laisse ça, eh bien, les chercheurs, parce que c'est un engagement existentiel de faire de la recherche, hein, c'est une personne, hein, eh bien, ils iront là où on leur donnera les moyens de s'épanouir, c'est-à-dire pas ici. Et ce serait dommage, parce qu'on aime bien notre pays, malgré tout. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Alain Prochian. Merci Antoine Petit. Alain Prochian, un mot de cette journée de samedi, le CNRS au Collège de France. Ce sera dans l'amphithéâtre Marguerite de Navarre. C'est ouvert à tout le monde. Bien sûr, c'est ouvert à tout le monde. Et ce sont des grandes personnes que vous allez entendre. Hein. Alain Cohn, médaille Field, Pascal Cossard, secrétaire de l'Académie des sciences, Philippe Descola, un anthropologue de... Tous les gens que nous avons reçus autour de cette table, grand plaisir. Et puis les jeunes, vous parliez des jeunes. On a aussi la génération suivante qui est là, qui va pouvoir parler autour de table ronde, dire ce qu'ils font et sentir leur engagement. Et moi, j'invite tous les auditeurs de France Culture à faire un tour au Collège de France samedi. Antoine Petit, la suite de cette année de célébration, c'est un anniversaire qui n'en finit plus, qui ne fait que commencer, en quelques mots. Absolument, parce que vous avez bien compris qu'on voulait sensibiliser tout le monde, et donc on a décidé de faire une année de célébration, à la fois en France et à la fois à l'étranger, et ça se clôturera en octobre, au moment de la date anniversaire, par un grand événement au Grand Palais. Mais d'ici là, les manifestations vont se manifester, non seulement à Paris, mais dans l'ensemble de nos laboratoires, dans l'ensemble des 1000 laboratoires du CNRS et des universités. Et puis on aura l'occasion de vous raconter cette histoire et ces 80 ans d'un point de vue historique, justement, pour cet anniversaire. Encore une fois, merci beaucoup à tous les deux d'être venus ici au micro de France Culture et de la Méthode Scientifique. Merci à toute l'équipe de la Méthode. C'était Clément Daté à la technique aujourd'hui. Demain, c'est un vendredi consacré à l'actualité des sciences et de la recherche. Il sera question de la Voie lactée, des microbes et du microbiote, des microbiotes partout autour, du VIH qui malheureusement ne recule pas en France, et surtout comment est apparu dans l'histoire évolutive des espèces animales ce que l'on pourrait qualifier de mignonnerie. Bref, pourquoi vous aimez tant ces vidéos de chats sur internet? Vous aurez la réponse demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.